Écoutez battre son cœur, peur, peur. Oui, petite fleur, on est tous ainsi, n'aie plus peur. Une minute de silence. Le silence du chemin n'est jamais vide. Il est toujours empreint d'un sentiment. Attente, angoisse, espérance, chagrin, souvenir, paroles entendues, musique qui vous habite, idée qui revient à la surface comme une bulle de savon. Ce silence-là est propice au cheminement intérieur. Solitude et silence sont les deux écrins de la création. Le chemin du pays où rien n'est impossible. Sur ce chemin, je ne me suis pas tant allégé qu'enrichi. J'ai reçu des réponses sans poser de questions. En effet, dans ce silence, qui est un dialogue permanent, on reçoit des réponses si on est à l'écoute. Mon épouse Noël m'avait incité à partir seul pour que je prête l'oreille à ce que je n'avais pas encore écouté à l'intérieur de moi. Et j'ai en effet découvert une grande vérité. La part de mystère qui entoure notre vie est aussi importante que ce que nous en connaissons. C'est moi qui ai choisi ce chemin difficile. Aujourd'hui je m'arrête à deux pas du ravin, à regarder le vide avec un air tranquille. Et si je n'ai pas peur, c'est de tenir ta main. Je n'ai plus qu'à marcher vers l'étape suivante, en mettant tout mon cœur à trouver le sentier, de plus en plus étroit, de plus en plus en pente, et qui déjà serpente au milieu de l'été. Tu m'as tenu la main jusqu'à ce coin tranquille où nous avons posé nos valises et nos cœurs. Il me faut repartir vers les rues de la ville et porter des nouvelles au miroir du bonheur. J'en ai rempli ma vie depuis que tu existes, et j'ai tari mes larmes au creux de ton regard. J'ai découvert la peur de t'avoir rendu triste et l'infinie fierté de te rendre l'espoir. Me revoilà debout, je marche, je décolle, et je plane au-dessus des fenêtres allumées, des cheminées qui fument et des préaux d'école. Et déjà ma raison s'endort à point fermé. Un paysage entier couvert de feuilles mortes, avec une barrière et dans une forêt, quatre maisons de planches où s'ouvrent quatre portes. Au-dedans la pénombre a gardé son secret. Des voix qui se répondent étouffées par l'automne, en un concert bizarre où les cris des oiseaux, tous les secrets échos dont la forêt résonne, ont mêlé leur silence au murmure de l'eau. Si je traverse encore les secrets de la Bible et l'écorce du temps jusqu'au cœur de la vie, j'irai jusqu'au pays où rien n'est impossible, et j'en rapporterai ce qui te manque ici. Et j'en rapporterai ce qui te manque ici. La ligne de vie. La ligne de vie qui strie notre main, c'est le destin qui s'écrit. Pour ma part, c'est comme si le chemin s'était inscrit dans ma main. C'est un morceau de ma vie qui m'a accompagné et qui m'accompagne toujours. Disant de poèmes en bataille, que nous étreignons notre amour, perpétuelle fiançaille, qui m'étonne encore chaque jour. À force de lire au passage la ligne de vie dans ta main, j'ai la même sur mon visage, qui creuse elle aussi son chemin. Tour à tour inquiète et sereine, les années s'écoulent sans bruit, laissant comme un manteau de laine sur tous les hivers de nos vies. Le cœur endurci d'une écorce, pour rester plus tendre au-dedans, mon âme a puisé dans ta force un souffle à l'épreuve du temps. À force d'aimer davantage, l'amour s'est écrit dans tes yeux. Vieillir est le plus beau voyage qui nous reste à faire tous les deux. Et plus notre temps s'amenuise, et plus notre ciel s'agrandit, souvent d'un chagrin qui nous brise, renaît un oiseau qui nous suit. Le jour où j'ai vu ton sourire, j'ai su que le monde était beau. J'ai cherché les mots pour le dire, mon cœur a jailli du piano. Si les saisons me protègent, depuis que tu dors dans mes bras, je sais le plus grand privilège sages que ceux des seigneurs et des rois. 10 ans de poèmes en bataille que nous étreignons notre amour. Perpétuelle fiançaille qui m'étonne encore chaque jour. À force de lire au passage la ligne de vie dans ta main, j'ai la même sur mon visage qui creuse elle aussi son chemin. À mi-chemin de l'existence. J'ai effectué ce voyage à 55 ans, donc à mi-route de mon chemin de vie. Mais au lieu de dresser un bilan du passé, j'ai regardé vers l'avenir. Désormais, ce chemin donne un véritable prix à certains gestes quotidiens. Par ailleurs, ma vie s'organise toujours autour des priorités. Et lorsque je traverse une épreuve, je prends du recul. C'est à cette condition que l'épreuve est féconde. À mi-chemin de l'existence, où plus rien n'est écrit d'avance, je m'éveille au-dessus du sol. Ma conscience a pris son envol. Je n'étais ni bon ni mauvais, et pourtant maintenant je sais que je peux devenir meilleur, ouvrir encore plus grand mon cœur. J'ai découvert dans ton amour des secrets si forts et si lourds qu'il sera plus doux, plus léger d'être à deux pour les partager. Ce qui s'écrit du temps passé jamais plus ne peut s'effacer, mais il reste la vie entière pour regarder vers la lumière. Et si des chagrins, des blessures sont gravés dans notre aventure, il en reste aussi le meilleur, en joie profonde et en bonheur. Qu'il fallait vouloir pour bâtir et pour s'émouvoir, à vieillir auprès de ton cœur. L'avenir ne me fait pas peur. Je donnerai ma vie en gage pour tout l'amour de ton visage et le reste de mes années s'il fallait pour recommencer. Chaque jour en tournant la page ressemble au début d'un voyage. C'est aujourd'hui que je suis né pour revivre et pour espérer. À mi-chemin de l'existence où plus rien n'est écrit d'avance, je suis bien au-dessus du sol. Mon amour son vol. Avoir et être. Paradoxalement, ces deux verbes sont à la fois ennemis et inséparables, alors qu'on les oppose souvent sur le chemin. Être, ce n'est pas uniquement l'expression de la spiritualité, c'est aussi la base de l'ego. Avoir ne désigne pas seulement une action de possession ou de dépendance. C'est aussi une façon de conquérir ou de s'approprier des choses qui nous sont légitimes. Sans doute, la sagesse réside-t-elle dans un juste équilibre. Loin des vieux livres de grammaire, écoutez comment un beau soir, ma mère m'enseigna les mystères du verbe être et du verbe avoir. Parmi mes meilleurs auxiliaires, il est deux verbes originaux. Avoir et être étaient deux frères que j'ai connus dès le berceau. Bien composés de caractères, pouvait les croire jumeaux. Tant leur histoire est singulière, mais ces deux frères étaient rivaux. Ce qu'avoir aurait voulu être, être voulait toujours l'avoir. À ne vouloir ni Dieu ni maître, le verbe être s'est fait avoir. Son frère avoir était en banque et faisait un grand numéro. Alors qu'être toujours en manque souffrait beaucoup dans son ego. Alors qu'être toujours en manque souffrait beaucoup dans son ego. Pendant qu'être apprenait à lire et faisait ses humanités, de son côté sans rien lui dire, avoir apprenait à compter. Et il amassait des fortunes en avoir en liquidité. Pendant qu'être un peu dans la lune s'était laissé déposséder. Avoir était ostentatoire lorsqu'il se montrait généreux. Être en revanche, c'est notoire et bien souvent présomptueux. Avoir voyage en classe affaire, il met tous ses titres à l'abri. Alors qu'être est plus débonnaire, il ne gardera rien pour lui. Alors qu'être est plus débonnaire, il ne gardera rien pour lui. Sa richesse est toute intérieure, ce sont les choses de l'esprit. Le verbe être est tout en pudeur, et sa noblesse est à ce prix. Un jour à force de chimères pour parvenir à un accord, entre verbes ça peut se faire, ils conjuguèrent leurs efforts. Et pour ne pas perdre la face au milieu des mots rassemblés, ils se sont répartis les tâches pour enfin se réconcilier. Le verbe avoir a besoin d'être, parce qu'être c'est exister. Le verbe être a besoin d'avoir, pour enrichir ses beaux côtés. Et de palabres interminables, en argusies alambiquées. Nos deux frères inséparables ont pu être et avoir été. Et de palabres interminables, en argusies alambiquées. Nos deux frères inséparables ont pu être et avoir été. Le soleil sur l'agenda. En peu de jours, j'ai connu tous les temps. J'ai marché sous une pluie battante et sous un soleil de plomb. J'ai vu toutes les lumières. C'est cette diversité qui nous fait avancer. Ce jour-là, c'était un soleil griffonné sur mon agenda. Le printemps faisait des merveilles ce jour-là. J'étais bien, tu étais sereine, et je sais qu'à 100 lieues de là, j'ai dû faire beaucoup de peine ce jour-là. L'amour fait de l'équilibre sur le fil de nos jours. On se prend pour un oiseau libre, et un jour, on vous appelle mon amour, on est deux, tout paraît moins lourd, et la vie continue son cours. On pleure, puis on rit d'avoir eu si peur, on est bien jusqu'au fond du cœur, on vous appelle mon bonheur. Ce jour-là, j'avais rendez-vous avec le reste de ma vie, sans savoir qu'il était si doux, si joli. Aujourd'hui c'est toujours pareil, et depuis sur mon agenda, chaque année j'ajoute un soleil ce jour-là. L'amour est en équilibre sur le fil de nos jours. On se prend pour un oiseau libre, et un jour, elle vous appelle mon amour, avec tant de douceur autour, que la vie en suspend son cours. On meurt avec une infinie lenteur, on est deux jusqu'au front du cœur, elle vous appelle mon bonheur. Je venais retrouver mon cœur, qui dormait à côté de toi. C'était un matin de bonheur, souviens-toi. Ce jour-là, c'était un soleil griffonné sur mon agenda. Le printemps a fait des merveilles ce jour-là. Mélancolie. J'ai aussi cheminé pour ceux que j'aime. Quand on marche, l'esprit n'est jamais vide. Et si on lui laisse la parole, il apprend. Il remplit l'absence. Notre pensée va alors vers les gens qui ne sont plus là et vers ceux qui sont en nous, ceux qui se cachent sous nos paupières quand nous fermons les yeux. Des jours où l'on n'est plus personne. Alors on ferme les yeux un instant. Quand on les rouvre, tout est comme avant. Les gens vous voient, mais leur regard s'étonne. Il y a des jours où l'on n'est plus personne. Comme au milieu d'un cinéma désert, tout passe à l'envers. Et quand on pense aux gens qu'on abandonne, il y a des jours où l'on n'est plus personne. Da-da. Pour oublier dans le bonheur qu'on donne qu'il y a des jours où l'on n'est plus personne, qu'il y a des jours où quand le jour se lève, on voudrait rentrer tout au fond du rêve et s'endormir lorsque le clocher sonne. Il y a des jours. Le cours du temps. Le chemin dans sa linéarité symbolise la cohorte des humains qui nous ont précédés. Chaque pèlerin est un grain de sable, une poussière, un morceau de chemin, un être parmi les milliards d'êtres, un pas dans l'éternité. J'aimerais sans cesse arrêter le cours du temps dans le lit de la tendresse sur les rives du printemps, comme un fleuve intarissable pris au piège d'un étang. Comme un souffle insaisissable dans les fils d'un cerf-volant, écoutez dans le silence le murmure assourdissant de la voix de notre enfance que plus jamais nul n'entend, mais qui parle avec sagesse des espoirs de nos 15 ans, et qui sait d'autres richesses oubliées depuis longtemps.

te rassurer quand tu t'endors. Te suivre, être présent à tes côtés, comme un phare sur la jetée, un repère pour te guider entre les peurs et les dangers. Pourtant, je ne peux que te regarder, sortir de l'eau et replonger au plus profond de tes pensées, être père et t'accompagner. Fragile, tendre, rebelle et insoumise, comme une fleur sur la banquise, courageuse à la moindre brise, et quand le froid souffle plus fort, t'aimer comme on aime un enfant qui dort, être une amarre dans tous tes ports, sans pour autant monter à bord, t'aimer toute voix. Le dehors. La tendre image du bonheur. Comme je devais écrire un article à mon retour, j'avais prévu de prendre des notes en chemin. Un jour, je sors mon carnet et mon stylo. Le stylo s'était ouvert dans mon sac et, en tentant de remettre la cartouche, il s'est cassé. J'ai pris cela comme un signe. Je l'ai remis dans ma poche. C'est alors qu'au détour du chemin, une jeune fille à vélo est apparue avec une centaine de chèvres. Ce fut une vision incroyable que je n'aurais pas eue si jamais. Ce fut une vision incroyable que je n'aurais pas eue si j'avais rivé les yeux sur mon carnet. Roland rentrait de son collège et dormait tard ces matins-là. Je regardais tomber la neige en finissant mon chocolat. Je voyais Lise à la fenêtre en contre-jour et dans un coin. Papa relisait une lettre en tenant maman par la main. Alors j'ai pris pour moi tout seul la tendre image dans mon cœur. Et d'aujourd'hui jusqu'au linceul, ce sera celle du bonheur. J'attendais l'heure de mon solfège en regardant depuis l'entrée les pas de Lise dans la neige qui dessinait comme un sentier. Roland, pour terminer son rêve, faisait semblant d'être endormi. Lorsque maman, pour qu'il se lève, allait l'embrasser dans son lit. Alors j'ai pris pour moi tout seul la tendre image dans mon cœur. Et d'aujourd'hui jusqu'au linceul, ce sera celle du bonheur. Quelques pages, il est passé quelques années. Sur le décor et les visages, puis maman s'en est allée. Lise vient dîner certains soirs et Roland passe à l'occasion. Papa m'appelle et vient me voir s'il est trop seul à la maison. J'ai gardé pour moi tout seul la tendre image du bonheur. Mais d'aujourd'hui jusqu'au linceul, elle me déchirera le cœur. Prendre un enfant par la main. Le chemin est certes un bon éducateur pour les enfants et les adolescents en quête de repères. Il nécessite cependant une certaine maturité. Je pense qu'un enfant qui effectue le chemin en retirera un enseignement à retardement, comme à la lecture du Petit Prince. prendre un enfant par la main pour l'emmener vers demain, pour lui donner la confiance en son pas, prendre un enfant pour un roi, prendre un enfant dans ses bras. Et pour la première fois, sécher ses larmes en étouffant de joie, prendre un enfant dans ses bras. Ses malheurs, tout doucement, sans parler, sans pudeur, prendre un enfant sur son cœur, prendre un enfant dans ses bras, mais pour la première fois, verser des larmes en étouffant sa joie. Contre soi, Tisserand. Le chemin se découvre pas à pas, patiemment. Le marcheur y évolue comme un joueur d'échecs à qui on donne un jeu pour qu'il compose la suite. Il y a dans ce cheminement un mélange d'inattendu et de volonté, une part de liberté et une part de contrainte. Une part du chemin vous amène, l'autre reste à déchiffrer. Cette marche est un reflet de l'existence. On tisse sa vie comme on fait son chemin. On doit tisser la trame et, avec la chaîne, imaginez le dessin. Cette trame existait avant nous, mais nous avons le choix d'y tracer le chemin que nous voulons. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Mon ami tisserand, tu tisses avec le fil des ans. La vie n'est qu'un fil éphémère, chacun la tisse à sa manière, à la mesure de son talent, depuis la nuit des temps. Si tu devais tisser l'histoire avec le fil de ta mémoire et rattraper le temps perdu, comment t'y prendrais-tu, mon ami tisserand? Si tu devais tisser le temps sans fin se renouvelle. Il faudrait un fil éternel dont chaque point serait le monde, enchaînant les secondes entre elles. Le présent n'est qu'une étincelle qui coule sur un fil de dentelle pour assembler tous ces dessins qui sont à nos destins fidèles. Tisserand, mon ami, si tu devais tisser ceci Apprends-moi l'art de la lumière et tu verras que pour lui plaire, je tisserai le fil de l'eau pour en faire un ruisseau. Peut-être même un univers s'il faut tisser ma vie entière à la mesure de son amour et faire au fil des jours un enfant tisserand. Si beau serait alors le temps de n'être plus qu'à elle, qu'il faudrait un fil éternel, aussi puissant qu'un océan, mais doux comme un instant près d'elle. Le temps nous enroule et nous mêle, il faudrait deux fils de dentelle, aux couleurs pâles, un peu fragiles, noués autour d'un fil de miel. Mon ami tisserand, si tu voulais tisser ce temps, moi, j'écris des chansons nouvelles, mais quelles que soient mes ritournelles, je garderai du fil des mots le plus bel et chaud pour elle. Le fil des jours est un mystère, mais si chacun à sa manière, à la mesure de son talent, pouvait tisser son temps. Tisserand, c'est ainsi que je voudrais tisser ma vie. Qu'y a-t-il après? Au terme de ma route à Saint-Jean-Pied-de-Port, je suis entré dans l'église de Notre-Dame du Bout du Pont. Là, j'ai brûlé un cierge devant une statue de la Vierge Marie. Une grande émotion m'a alors envahi. J'ai senti que durant ce pèlerinage, j'avais été entouré de lumière. Depuis mon retour, je me sens protégé. Et c'est comme si j'avais acquis une forme de conscience de certaines choses qui ne sont pas audibles ni sensibles habituellement. Comme si j'avais vu quelque chose que je ne peux plus ne pas voir. Vers ce chemin monte ma gratitude. Qu'y a-t-il après, quand nos âmes ont disparu, quand nos cœurs ne battent plus près de ceux qu'on aime? Si nos souvenirs se diluent dans l'infini, qu'en est-il de nos amours et nos amis? Quand je m'en irai, pour ailleurs ou pour après, j'aurai si peur de n'y trouver que des regrets. Je cherche déjà les chemins d'éternité qui pourront guider mes pas pour te trouver. Qu'advient-il de nous quand nos yeux se sont fermés sur tous ceux qu'on va laisser terminer nos rêves? Au bout du chemin, si le temps n'existe pas, où s'en vont tous les visages d'autrefois? Quand je m'en irai, pour toujours ou pour jamais, je voudrais tant te dire encore que je t'aimais. Si les mots parfois sont trop lourds au fond du cœur, les silences ont la couleur de nos secrets. Il me reste encore tant de larmes et tant de rires, tant de choses à découvrir, de bonheur à vivre. S'il fallait partir, moi mon ciel ou mon enfer, ce serait de te chercher dans l'univers. Qu'y a-t-il après, quand nos âmes ont disparu, quand nos cœurs ne battent plus près de ceux qu'on aime? Si nos souvenirs se diluent dans l'infini, qu'en est-il de nos amours et nos amis? Quand je m'en irai, pour ailleurs ou pour après, j'aurai si peur de n'y trouver que des regrets. Et je sais déjà les chemins d'éternité qui pourront guider mes pas pour te trouver. Si j'étais ton chemin. J'ai composé la chanson « Si j'étais mon chemin » pour mon petit-fils Toussaint en 2008. Je suis heureux qu'une phrase de ce texte figure sur le banc du pèlerin, inauguré le 18 mai 2014 à la Cité de la Villette à Paris par l'association Compostelle 2000. Je vous la donne à tous ceux dont l'histoire t'a mené jusque-là et pour ceux qui suivront la trace de tes pas. Assis près du grand saule, au milieu du jardin, comme à tes premiers jours, penché sur ton couffin, quand je berçais tes rêves à la tombée du soir, j'essaie d'imaginer le cours de ton histoire, les lignes de ta main. Si j'étais ton chemin, je me ferais discret dans l'ombre de tes pas, pour t'aider à grandir et pour t'ouvrir la voie. Je serais la poussière qui s'envole à tes pieds, un peu de mon bonheur qui colle à tes souliers. Je t'aimerais au point de te lâcher la main, pour que tu sois le seul à choisir ton destin, à dessiner ta route en puisant au hasard les raisons d'espérer et la force d'y croire. Si j'étais ton chemin, si j'étais ton chemin, je construirais des ponts, des tunnels, des ouvrages. J'ouvrirais des sentiers partout sur ton passage, pour que tu puisses aussi t'écarter quelquefois des pistes balisées qu'on a tracées pour toi. J'apprendrai les mots pour soigner les blessures, les signes éparpillés le long de l'aventure, pour te montrer le nord quand tu te crois perdu, les silences attendris de ceux qui ne sont plus. Mais qui tiendrait ta main si j'étais ton chemin? J'irais cueillir ton rêve au plus fort de la nuit, le planter dans la terre et l'inonder de pluie, de lumière et d'amour au soleil de midi, pour que tu rêves encore chaque jour de ta vie. Je ne t'épargnerai ni le temps ni l'effort, pour que tu sois debout devant les coups du sort, solide et résistant face à l'adversité, riche de ton courage et de ta liberté. Et je déposerai quelque part une pierre, pour te laisser t'asseoir, offrir une prière à tous ceux dont l'histoire t'a mené jusque-là, et pour ceux qui suivront la trace de tes pas. Si j'étais ton chemin, si j'étais ton chemin, et nous serions semblables aux bulles de savon qui font la route ensemble et puis qui se défont dans le même courant, chacun de son côté, mais sans aucun désir au fond de s'éloigner. Puis je m'effacerai comme un sentier se perd, en refaisant parfois le chemin à l'envers. J'aurai le sentiment d'avoir rempli mon rôle, et je m'endormirai à l'ombre du grand sceau, où je berçais sans fin le début de ta vie, au-delà des bonheurs partagés en commun. Saurais-je alors enfin si j'étais ton chemin? Chers amis, c'est ainsi que se termine cet épisode de Marcher vers le bien-être. Nous espérons qu'il vous a plu. Je rappelle que Marcher vers le bien-être est diffusé les mardis à 22h et rediffusé les mercredis à 11h, les vendredis à minuit et les samedis à 10h. Vous pouvez aussi l'écouter en direct sur le site de Radio-VM ou grâce aux émissions archivées, ainsi que sur le site jemarchepartout.com, où vous trouverez descriptifs et références pour chaque épisode. Merci à notre chef d'orchestre en régie, Lysandre Duplay. Et bien sûr, merci à vous toutes et tous d'avoir été des nôtres pour marcher vers le bien-être. Je vous laisse cette semaine avec cette pensée de Christian Bobin, un des auteurs préférés de Dutheil. Deux biens sont pour nous aussi précieux que l'eau et la lumière, la solitude et les échanges. Sur ce, je vous souhaite bonne route et à la prochaine. Radio VM. La 38e édition du Festival international Nuit d'Afrique vous offre 6 jours de concerts et activités gratuites pour toute la famille du 16 au 21 juillet. Rendez-vous au parterre du quartier des spectacles et sur l'esplanade tranquille. Au programme, plus d'une centaine de concerts et animations, des ateliers de danse, des DJ sets et bien plus encore. Aussi, ne manquez pas le marché Tombouctou et les promenades des saveurs. Et ce n'est pas tout. Les concerts en salle continuent jusqu'au dimanche 21 juillet. Programmation sur festivalnuitdafrique.com. Ici Simon Lessard au micro des Verbomoteurs. Chaque vendredi, je rassemble l'équipe du magazine Le Verbe afin de jeter un regard chrétien sur l'actualité politique, religieuse et culturelle de la semaine. Les Verbomoteurs, tous les vendredis à 19h30 sur les ondes de Radio VM. Le dimanche à 15h, Récits au Grand Orgue vous convie à l'écoute des orgues du monde. Dans l'intimité de chapelles ou au cœur de vastes cathédrales, appréciez le riche répertoire de cet instrument aux 1000 tuyaux. Ici Judith Pelletier. Visitez avec moi les grandes tribunes de l'orgue tous les dimanches à 15h. Une émission de Jacques Boucher. Radio VM. Au cœur de l'essentiel. Au cœur de l'être, avec Marie-Lou Brousseau. Messieurs, bienvenue au cœur de l'être. Marie-Lou Brousseau avec vous et Valérian Fournier à la mise en onde. Aujourd'hui, je reçois Josiane Ferland, que je connais bien, qui va nous parler de son parcours et aussi de sa philosophie de vie. Elle est l'autrice du livre « Allume ta bougie, bouge » qui sera publié aux éditions Béliveau. Mathieu, maintenant, tu es au courant. Bienvenue à Radio VM, Josiane. Merci beaucoup. Oui. Ben écoute, d'abord, on pourrait peut-être faire un petit survol de ton enfance, de ta vie un peu, pour qu'on puisse comprendre comment est arrivée cette philosophie de vie dans ta vie. Ben premièrement, je pense que ce qu'il faut savoir, parce que c'est à la radio, hein, fait qu'on me voit pas en ce moment. Mais je viens tout juste d'avoir 32 ans. Donc certains diraient que c'est jeune pour faire un livre de développement personnel. Et parler de philosophie de vie surtout. Ouais. Exactement, mais fait que je pense que d'emblée, juste le jour 1 en dit long. Je suis arrivée le 24 décembre 1991. Donc, on s'entend qu'en 91, il n'y a pas de cellulaire, il n'y a pas de message texte, il n'y a pas... Et mes parents venaient de se procurer leur première maison. OK. Donc, tous les deux familles allaient se réunir pour fêter le réveillon. C'est super significatif. Et moi, je décide de semer le chaos là-dedans et d'arriver. Elle arrive. Et voilà. Fait que tout réorganiser un réveillon chez mes grands-parents maternels à ce moment-là. Mon père rappelle, il est à l'hôpital avec ma mère et annonce la bonne nouvelle. C'est un beau petit garçon. Ma sœur, plus vieille, étant une fille, tout le monde se réjouissait d'avoir le petit couple. Mon père rappelle 3 minutes plus tard, finalement, c'est une petite fille. Donc, en une heure de vie, j'avais eu le temps déjà de semer un chaos dans un réveillon de Noël et de décevoir le trois quarts de la famille. Ça n'en dit long pour ça l'annoncer la suite. Là. Ça annonçait une série de catastrophes. Exactement. Hein? Donc, c'est ça. Fait que pour ce qui est de mon enfance, je vous dirais que c'est ça. Ça a été Ça a été une série d'événements qui t'ont propulsé éventuellement dans des aventures un peu moins le fun. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, bon, toi, tu as été technicienne, je pense, dans le département de la police ou en tout cas... Oui, ben j'ai fait mon cours en technique policière, oui. Ben j'ai, ça, pour le côté académique, j'ai toujours eu des super bonnes notes à l'école, donc ce qui a joué un peu aussi à ma faveur là, à ce niveau-là pour aller d'un programme contingenté, mais... C'est un peu ça, le résumé de l'histoire. Hein? Chaque réussite était ponctuée d'une petite catastrophe. Là. Mais, ouais. Et c'est... si on parlait de ces petites catastrophes-là, parce que je pense qu'elles sont vraiment la base de ce qui allait s'en suivre. Donc, bon, il y a eu des amoureux. Ouais. Parce que tu as quand même 4 enfants, tu as 31 ans. Il y a eu plusieurs événements qui ont fait qu'à un moment donné, ça a été encore une fois la catastrophe. Oui, au niveau mon parcours amoureux, et on pourrait faire une série sur Netflix avec ça. On va appeler Netflix demain matin. C'est ça. Non, mais oui, effectivement, j'ai été dans certaines relations, disons, toxiques, mais... Mm-hmm. Si on prend justement ma philosophie de vie par rapport à ça, ben j'explique qu'il y a eu beaucoup d'épreuves à ce niveau-là. Mm-hmm. Mais quand j'ai regardé la définition du mot épreuve, puis j'ai constaté qu'il y avait 9 définitions, 9 significations différentes avant de mentionner souffrance, malheur. Moi, j'ai vu un choix de réponse. Mais j'ai dit, bon, OK, je vais prendre ces épreuves négatives-là. Évidemment que... si je prends comme en photographie, ben je vais développer une image à partir de ça qui n'existerait pas sans ces jeux d'ombre et de lumière. Mm-hmm. Mais il y a moyen quand même de tirer quelque chose de magnifique de ça. Puis ensuite, ben comme un appareil photo, là, je vais m'en vider la mémoire puis capturer des nouveaux instants. Fait que ça a été là. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on passe du malheur à un désir de changer complètement sa vie, parce que c'est quand même pas facile. Là. Ceux qui ont la chance de lire le livre pourront en connaître davantage. Mais il y a eu vraiment une série d'épreuves assez incroyables qui, je me permets de le dire parce que ça va sortir publiquement, qui t'ont amené vers la drogue, vers la boisson, vers la dépression, vers une espèce de déchéance qui fait qu'à un moment donné, c'est quoi l'élément déclencheur qui fait qu'à un moment donné, on se réveille et on se dit « Moi, je ne veux plus cela. J'ai besoin de vivre autre chose, parce que je sens que j'ai peut-être, entre guillemets, une mission dans la vie autre que celle de toujours être dans les bas-fonds de la vie. » Je pense que c'est en soi la finalité de tout ça. Moi, dans le fond, cette déchéance-là a amené un désir sincère de mourir. Ouais. Et je ne comprenais pas les gens qui essayaient de me convaincre que la vie valait la peine d'être vécue à ce moment-là. Puis je me disais, oui, mais si j'avais le cancer de n'importe où, mm-hmm. on dirait au moins elle souffre plus et on accepterait de mon départ. Tandis que là, parce que j'avais le cancer de l'âme, on me permettait pas de vouloir être libérée de ces souffrances-là. Mm-hmm. Puis je comprenais pas la façon de voir des gens alentour de moi. Mm-hmm. Quand tu manques... ton coup, comme... Ouais, parce que tu fais une tentative fois. De suicide, ouais. T'en fais une deuxième, puis tu te rates encore, tu dis, mon Dieu, même abandonné, je suis pas capable de mener ce projet-là à terme. Mm-hmm. On se sent pas au summum de notre gloire, mettons. Non, tout à fait. Fait qu'à partir de là, j'ai dit, ben il y a si c'est pas un point final, ce sera un point virgule. On va continuer l'histoire dans un autre ordre d'idées. Puis c'est à partir de là que j'ai dit, ben je peux pas vivre sans consommer, mais je peux pas vivre avec la consommation, tu sais. Qu'est-ce que je fais? J'étais un peu perdue, puis c'est là que j'ai fait, ben gars, on va recommencer. On va recommencer ça, là. Ça, c'est un coup de pratique. Mais est-ce que c'est le fait aussi d'avoir des...